Voici votre bulletin régional. Un Harvest Supper sera offert le 16 novembre de 16 à 18 heures au Bulwer Community Center, chemin Jordan Hill à Bulwer. 10 $ par adulte et 5 $ par enfant âgé de 6 à 12 ans. Il s'agit d'un événement bénéfice au profit du Bulwer Community Center. Le 16 novembre, dès 10h30, les Chevaliers de Colomb de Courchier organiseront un brunch au profit de l'entretien des croix lumineuses. Adultes, 10 $, enfants de 5 à 11 ans, 5 $.